futur qui nous fait vivre de vraies aventures. Toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraider. Toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot. meets girl, meets boy, boy, meets girl, meets girl, meets boy, girl, meets boy, meets boy, meets girl, boy, meets girl. They fall in love.

If you're gonna ride. interrupt this. We interrupt, we interrupt this. We interrupt this. We interrupt this program. DJ Deacons sur Galaxy. We'll be right back.

House Nation. House Nation. House Nation. House Nation. Reflection of myself. The sun comes up, the sun goes down, and in between you try to make a scene.

paying. Eventually, we'll end up together, always and forever. It's the jealousy that has got you saying all those things to me. So now you think I'm paying. Eventually, we'll end up together, always and forever. Always and forever. Mega. Sur Galaxy. Exotic jack, heart attack, lips lock, knees knock, half shirt, short skirt, glitter cheek, night's peak, last chance, romance, glasses catch the neon in a never-ending second glance. flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. L'exposition Figure de clown actuellement jusqu'au 26 août à la bibliothèque municipale de Waterloo. Une évocation de l'histoire des clowns à travers des documents hauts en couleur, photos, costumes, jouets anciens, bronzes et accessoires. Entrée libre, horaire d'ouverture 0320 81 66 38. L'exposition L'histoire du stade Amédée Prouveau est visible jusqu'au 31 août au musée des arts et traditions populaires de Waterloo. Dès les années 1920, le stade faisait déjà partie des plus beaux stades de France. Une épopée racontée par Francis Boé